sors la victoire quand je suis dans la pièce. Assez d'espèces pour réduire le club en pièces. Vite tes boîtes auto, je suis dans la caisse. Tu me reconnais même dans le blind test. Des années plus tard, dis comment est-ce que je réponds que la concurrence est comestible. Film boo pour qu'ils comprennent. Je dépose mon flow pour qu'on le monétise. Je rappe quand je veux et où je veux et je le fais quand ça me chante. Monte dans le véhicule si ça tente. Je change de montre car les temps changent. Après notre passage, y a des vestiges. Quand je vous regarde, j'ai le vertige. Quand on s'exprime, trop de prestige. La police et les putes, on esquive. Personne ne va rien faire. Personne ne va rien faire. Je ne crains aucun être humain sur terre. Je peux le jurer sur ma mère. Personne ne va rien faire. Personne ne va rien faire. Je ne crains aucun être humain sur terre. Je peux le jurer sur ma mère. C'est pour les Mundibou et Mundele. Pour le V, je pense à Nelson Mandela. Je prends pas les couilles comme Atielele. Puis plein les fous chez moi, je suis azelé. Inarrêtable mental et costaud. Il se passera rien si tu causes trop. Avec mes frères, je suis en osmose. Parle au business, viens qu'on se pose. Le mari est sur mes côtes. Car sa femme est sous mes reins, je vois tout, je ne dirai rien. Y'a pas que les jardiniers qui ont la main verte. Demande au Big Raver sur le terrain. Je te conseillerais de pas lui faire à l'envers. Car après une douille viendra la balle. On va tout manger, on a la dalle. Je prépare du sale, j'en ai la gauche. Personne ne va rien faire. Personne ne va rien faire. Je crains aucun être humain sur terre. Je peux le jurer sur ma mère. Personne ne va rien faire. Personne ne va rien faire. Je crains aucun être humain sur terre. Je peux le jurer sur ma mère. Aïe.